Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la mode à la garçonne des années 20. La ceinture est à la hanche. La poitrine est comprimée aussi par des bandes velpeau. Donc, on ne veut pas voir les seins. Les dessous sont assez simples. C'est des chemises culottes ou des combinaisons, puis une petite gaine qui écrase un petit peu le ventre et surtout les hanches parce qu'on voulait garder vraiment la ligne droite. Les cheveux, évidemment, sont extrêmement courts. C'est la mode à la garçonne qui se poursuit. Ils sont gominés, un petit peu comme les hommes. L'auteur et dramaturge Suzanne Aubry, qui décrit brièvement ce qui caractérise la mode à la garçonne à l'émission L'Aventure en 1989. Silhouette filiforme, cheveux courts, jupe courte, la mode à la garçonne va faire des malheurs aussi bien à Paris qu'à Hollywood durant les années 20. Greta Garbo, Jane Crawford, Joséphine Baker, Marlène Dietrich, Coco Chanel, autant de noms qu'on va associer à cette mode à la garçonne. ans d'oppression vestimentaire jusqu'à cette semaine et la libération des Parisiennes officiellement autorisées à porter le pantalon. Depuis aujourd'hui, vous dites? Non, là vous m'étonnez. Qu'est-ce que c'est le pantalon? Donc bienvenue au club alors, officiellement. Depuis 1800, il fallait une permission de police pour se travestir en homme. Les limites à la décence sont dictées par l'ordonnance du 26 Brumaire de l'an 9. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Magnanime, la police adoucit le texte en 1892 pour permettre aux femmes de faire du vélo et monter à cheval. C'est symbolique, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le contrôle du corps de la femme reste, même si effectivement aujourd'hui nous sommes toutes en pantalon, nous sommes toutes fières de le porter. À l'Assemblée, il faut attendre 1980 pour voir quelle horreur une députée en pantalon. À l'Élysée, les jupettes de Juppé sont féminines à souhait. Aurait-on peur qu'elles portent la culotte? Il y a toujours eu cette peur que les femmes prennent le pouvoir. Finalement, cherchent leur revanche et prennent aux hommes non seulement le pouvoir, mais aussi leurs vêtements. Chères Parisiennes, avec ce texte désuet, vous étiez résistantes, insoumises malgré vous. Vous voilà l'égale de l'homme, le pantalon pour tous. C'est maintenant. Reportage de France 3 diffusé le 3 mars 2013, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est donc en 2013 que cette vieille loi qui interdit le port du pantalon par les femmes à Paris sera abrogée. Croyez-le ou non. On va revenir bien sûr sur le pantalon, l'histoire du pantalon au cours de cette émission consacrée à cette mode à la garçonne des années 20. Pour nous raconter cette histoire, Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire des loisirs et des divertissements. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Dans quel contexte ça apparaît, cette mode à la garçonne, Laurent? Ben, ça apparaît dans un contexte assez précis. Il faut rappeler un peu ce qui s'est passé avant. Fin 19e siècle, on est dans la mode féminine des grandes robes de soirée. Si vous avez l'image de Sissi et les fameux documentaires et aussi les téléséries qui ont été faites, c'est ça la fin du 19e ouais. siècle. Aussi les cheveux à n'en plus finir jusqu'en dessous des fesses même, que l'on crêpe en chignon, que l'on ondule, que l'on teint également. Donc, on est dans une période et il faut aussi ajouter le corset. Le corps féminin est enserré dans un ensemble de contraintes. On dit que c'est la silhouette en S, c'est-à-dire les seins qui pointent d'un côté et les fesses de l'autre, avec les robes qu'on appelle les robes à faux cul, donc qui rajoutent des fesses, justement. Donc, la rondeur et la générosité. Exactement. S'en vient, justement, le 20e siècle, où là, on est dans une époque, dit-on, un peu débridée, la fin des illusions, et bien sûr, la Première Guerre mondiale, qui s'ensuit avec la Belle Époque, et la Première Guerre mondiale va briser beaucoup des illusions, va briser les modèles politiques et briser les modèles culturels. Et en cela, la figure de la féminité incarnée dans ses grandes rondeurs, ben là, on l'attaque. Ouais. Et elle va, on va transformer entre autres, puis on va y revenir dans un instant, mais cette fameuse silhouette, mais du tout au tout. Un mot quand même, parce que c'est intéressant sur l'histoire de l'utilisation du mot garçonne. Ah ben oui, on n'a pas, pas attendu le 20e siècle pour inventer le mot, hein, dans les grands dictionnaires et même dans la littérature. On le retrouve des occurrences au 12e, 13e siècle, qui est associé à femme volage, tout simplement, qui va bien sûr décliner vers la prostituée, la femme de mauvaise vie, la femme qui doit être enfermée. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on va le retrouver sur des plumes de grands littéraires, comme Huysmans, par exemple, et ça va s'incarner vers quelque chose qui tend de la figure de la femme qui se rapproche de celle de l'homme. Non pas nécessairement pour se travestir, mais pour aller chercher la puissance symbolique qu'il peut avoir. Et c'est avec un roman, celui de Victor Marguerite, en 1922, qui s'appelle « La La Garçonne. Et qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Ben, c'est Monique L'Herbier qui va dénoncer l'hypocrisie de la bourgeoisie en se saisissant des codes de la bourgeoisie. Mais bien sûr, comme c'est un roman, ça va bien se finir. Eve, elle va se conformer à tous les stéréotypes attendus de la femme. Mais c'est pas juste ça. On va voir aussi, par exemple, Colette avec Le Blé en herbe, des magazines de mode, Femmes d'aujourd'hui, Vogue, Votre beauté, de le cinéma, vous l'avez dit. Et de plus en plus, la figure de la garçonne va s'incarner dans des types sociaux extrêmement marqués. Et les années 20, est-il besoin de le rappeler, c'est aussi le moment des grandes vedettes de cinéma. Et on réalise mal à quel point ça va décupler l'idéal de ces femmes qui donne l'impression de se libérer, donne l'impression de casser le modèle de la longue chevelure, des robes à n'en plus finir à froufrou. Et là, on est dans quelque chose d'autre. Et l'étiquette, ce qui est formidable, c'est qu'on est vraiment dans de la mise en marché parce que l'étiquette, le mot garçonne, l'un et l'autre vont se nourrir. Le look, la nouvelle silhouette, entre autres, il y a une cohérence. L'étiquette de garçonne, comment la décrire, en quelques mots, cette mode, Laurent Turcot? Ben, on peut la décrire aussi en décrivant les objets qui la fondent. On a parlé des cheveux. Ben, les cheveux court, le plus court possible, souvent peut-être en haut des oreilles, un petit peu en bas, la nuque un peu rasée, et les robes, on délaisse le corset. On va y aller vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus ample, où le mouvement est facilité. Ouais. Et c'est ça le grand élément à se rappeler. Parce qu'on avait avant, au 19e siècle, des talons très très hauts, une robe avec un corset, avec aussi toute une architecture autour de la robe qui limite le mouvement. Là, ça en est fini. Des tissus qui sont amples, qui facilitent et même qui cachent certaines des rondeurs. On ne veut plus voir les seins, ce qui fait qu'on passe de la taille en S, dont je vous parlais tout à l'heure, à la taille en I. La minceur, la rigidité, mais pas juste la rigidité ici, la rigidité qui peut bouger et qui est facilitée par le mouvement. Et l'espèce de ligne droite de cylindre, pensez au... Il faut juste essayer de se rappeler l'époque, les années 20, les photos qui nous viennent en tête, le Charleston, donc ces grandes brindilles, ces femmes qui sont vraiment rectilignes. On écoute l'une des figures importantes, l'une de celles qui va incarner cette mode à la garçonne, Joséphine Baker. On l'écoute donc nous parler de la petite révolution aussi que va amener cette mode à la garçonne et ses nouveaux critères. Quand je suis arrivée en France 1924, comme vous le savez, c'était la mode de les femmes. Les femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses, roses pâles avec le poudre de riz tout à fait blanche pour se rendre encore plus blanche que c'était la peau naturelle. Les longs chevelures assez fortes avec la taille de guêpe. Et moi, je suis arrivée en diable, disons-nous. Et j'ai fait avec la coupe des cheveux à la garçonne, que c'est de nouveau à la mode aujourd'hui. La peau bronzée, et les pauvres malheureuses femmes étaient obligées de rester au soleil pendant 3 ou 4 mois pour se faire tanner la peau. Et en même temps, la taille de guêpe est devenue, il est resté taille de guêpe, mais les hanches aussi étaient devenues toutes minces et allongées. Les spores ont commencé à développer les femmes pour que ça soit qu'elles soient musclées et enfin en tout et pour tout. Tout est changé. Joséphine Baker, quel extrait formidable, mais ça nous montre, Laurent Turcot, qu'il y a un piège dans cette mode à la garçonne pour la femme. C'est le début, tout l'aspect sportif, on va y venir dans un instant, mais c'est le début de cette dictature de la minceur. Ah ben oui, on parlait de liberté tout à l'heure. Allez vous entraîner, faites de la musculation. On est exactement dans la même logique aujourd'hui, la logique de la minceur, de la santé, et on dit c'est une manière d'être libre. Mais attention, on vous dit soyez libre, mais dans les contraintes qui vous sont imposées. Ouais. Donc la contrainte qui était celle du 19e siècle n'était peut-être pas si différente de celle que l'on impose au début du 20e avec cette mode à la garçonne. Parce que bien sûr, il faut tanner notre peau, il faut la garder en santé, et là, la naissance des grandes crèmes pour se bronzer comme L'Oréal, Nivea, qui aujourd'hui sont des grands conglomérats qui font de l'argent qui capitalise sur cet idéal de beauté qui est relayé par l'idéal de la minceur. Et là, on parle de la minceur, ça veut dire une nouvelle nourriture, laisser tomber les gras, se spécialiser dans les régimes. Et de plus en plus de gens vont investir dans des régimes. Les fameuses céréales Kellogg's que vous connaissez aujourd'hui, c'est un régime qui avait été mis en place, qu'on va commercialiser. Et on est dans les années 20, il faut faire de l'argent avec ça. L'hyper-marchandisation que l'on pense être neuve de notre société, absolument pas. La culture marchandise et la culture culture de masse qui s'est mise en place au 19e siècle ne fait que poursuivre avec les grands magasins. Et comme on a un produit fabuleux, on y revient, cette étiquette garçonne, une cohérence dans l'image qu'on développe, il y a un produit à mettre en marché, puis effectivement, on s'en privera pas. On entendait Joséphine Baker. Qui sont les autres grandes figures de cette mode à la garçonne, Laurent Turcot? Ah, ben on a parlé tout à l'heure de Coco Chanel, mais on peut parler aussi des sportives. Suzanne Lenglen, Violette Morris. Violette Morris, je veux insister un peu sur le personnage parce qu'il est assez symptomatique. C'est une femme quand même qui a des seins assez importants et qui, elle, veut tout faire. C'est une grande sportive, lancer du poids, elle veut conduire des voitures, elle veut faire du sport avec les hommes et va même battre les hommes. Mais même, elle va se rendre compte qu'à un moment donné, ben, la conduite automobile, elle a des trop gros seins, donc elle va se les faire enlever pour pouvoir conduire encore plus facilement. Et c'est véritablement le modèle des femmes qui ne veulent plus être dans la conformité du style vestimentaire. Ouais. On veut brouiller les genres. Et là, on tombe dans l'androgyne. On tombe dans une forme de lesbianisme aussi qui s'affirme. Les femmes commencent à porter des complets masculins pour dire « nous sommes l'égal des hommes. Ouais. Nous pouvons porter ce qui fait votre différence parce que finalement, qu'est-ce qui vous donne la différence? Ben, rien. Mais c'est important, parce qu'au-delà de la mode, donc, pour certaines, il y a un caractère plus politique, plus social. C'est très présent, ça aussi, c'est marginal, ben, Laurent. Alors, il faut rappeler que la mode à la garçonne, il faut avoir l'argent pour le faire. Hein? Parce que tout ce que je vous évoque pour l'instant, les cheveux... Ça touche l'élite. Ça touche l'élite. Donc, c'est une manière de se révolter, certes, mais dans un domaine extrêmement précis. Les femmes qui sont celles qui sont au foyer, qui sont aliénées, pourrait-on dire, par l'ordinaire de tous les jours, le cours ordinaire des jours, mais aussi par l'impossibilité de capitaliser, d'avoir de l'argent, elles ne font pas partie de cette mode à la garçonne. Elles ne font pas partie de cette tentative de révolte. Je dis tentative, parce que malgré tout, cette volonté de virilisation de la femme reste illusoire. Ouais. Parce que qu'est-ce qui arrive après la mode à la garçonne? C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on revient dans une dynamique de la femme doit aider l'homme et qui combat? C'est l'homme. Mm-hmm. La masculinisation va demeurer dans notre société et c'est un cadre idéal. Mais plus encore, la mode à la garçonne confirme une chose, ça reste l'idéal de la séduction. Ouais. Pourquoi la femme se pare? Pourquoi la femme se bronze? Pourquoi la femme s'habille, se coupe les cheveux? On est encore dans l'idéal de séduction. Mm-hmm. Mais attention, là, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut séduire autre chose qu'un homme. Et ça peut être une relation femme-femme. Ouais. Plusieurs auteurs vont commencer à écrire des traités sur l'art du lesbianisme, vont raconter dans les romans des relations lesbiennes. Et là, certes, on est dans une forme de libération qui est complètement nouvelle et que la société, qu'elle soit française, américaine, britannique, allemande ou espagnole, connaît et va importer également dans tout le monde. On a évoqué le nom de Coco Chanel. C'est évidemment quelqu'un d'incontournable dans cette mode à la garçonne et ce que sera cette mode à la garçonne. On l'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Ah, permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Et ça, comment dire, je crois que c'est le don que je possède, enfin si tant est que ce soit un don, je crois que je l'ai, et le corps humain bouge tout le temps, même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt, bien, si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas, parce que j'aurais peur qu'il se déplace, bien, bien, ça m'est égal, il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut, il ne fait rien, il tient. Coco Chanel en entrevue à la RTF en 1959. Quelle importance elle va avoir, Coco Chanel, Laurent Turcot, dans cette mode à la garçonne? Ben, c'est le modèle Coco Chanel de la femme qui s'élève et dépasse les modèles masculins. Elle devient plus qu'une modiste, elle devient créateur de mode et elle impose des styles. Elle n'hésitera pas, par exemple, dans des soirées mondaines à arriver non pas en robe, mais en tailleur, avec les cheveux courts. Et elle le dit dans cet extrait que je trouve magnifique, le mouvement. Le vêtement doit épouser le mouvement. Ce n'est plus au vêtement de contraindre, mais c'est au corps d'imposer comment le bras, comment la jambe doit bouger. Et elle va justement imposer le fameux tailleur qu'on connaît, le tailleur pantalon, des nouvelles coupes de cheveux, des coupes à la garçonne, longtemps dénigrées. Et elle veut, elle l'a très bien dit dans l'extrait, libérer la femme. Elle veut lui permettre d'avoir cette capacité de bouger là où elle veut. Et pas juste dans les soirées mondaines. Parce que là, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'ouverture, c'est la manière dont les femmes vont investir l'espace public, l'espace du sport, qui est assez crucial. Et on va dessiner justement des uniformes de sport où la femme peut, oui, certes, continuer à séduire, parce qu'on ne peut pas détacher cette notion imbriqué dans notre société occidentale, mais où la femme peut exister librement. Et en fait, on va inventer toutes sortes de vêtements, beaucoup des vêtements de sport, le maillot de bain, pour faire du vélo, il y aura des trucs d'inventer aussi, le pyjama. Il y a, dans cette optique de donner plus de liberté de mouvement à la femme, il y a toute une panoplie de nouveaux vêtements qui vont apparaître. Ben oui, parce qu'il y a des ligues féministes déjà qui réclament le fait que les femmes doivent faire du sport et peuvent faire du sport. À la fin du 19e siècle, on disait aux femmes, oui, il faut faire du tennis, il faut faire du golf, mais simplement pour rencontrer un mari potentiel. Fin 19e siècle, les Jeux olympiques, Pierre de Coubertin dit « on ne doit pas absolument avoir des femmes aux Jeux olympiques, c'est inesthétique et en plus, ça ne, c'est pas beau à voir. » Donc, mais il y a malgré tout des femmes qui disent « non, nous devons faire du sport. » C'est une manière de s'approprier notre propre corps et de se réclamer par rapport à la société. Et pour le faire, il faut avoir des tissus. Et on s'entend que, par exemple, nager avec un maillot en laine un peu gros, grossier ou avec une robe, ben, c'est pas idéal. Donc, vous allez avoir, comme Coco Chanel, des designers de mode qui vont s'atteler à la tâche. Et de plus en plus, la mode révèle beaucoup plus que ce à quoi on peut croire. On dit « Ah, ce n'est qu'une affaire de futilité, ce n'est que de l'esthétisme. » Absolument pas. Transformer le vêtement féminin est une manière de réclamer une transformation de la société. Et en ça, c'est un acte politique que toute cette mode à la garçonne, ce n'est pas futile. Chanel, ce sera aussi, vous l'avez dit, le tailleur, le pantalon, qui existe avant elle, mais elle va vraiment en faire un accessoire de mode important, sur le pantalon pour le plaisir. Le pantalon qui sera très, très critiqué dans les années 20, pendant cette mode à la garçonne, mais vous allez voir, avec ce que je vous propose maintenant, on va continuer de le critiquer très, très, très, très longtemps. 1973, quelques commentaires recueillis dans les rues de Paris sur ce fameux pantalon. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme? On est pour. Et dans l'administration? Aussi. Dans la fonction publique? Oui. Les avocats? Oui. Les huissiers? Tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, il n'y a pas pour tous les goûts, hein? Pour les maigres, pas pour les grosses, hein? Pour mon goût personnel, moi je trouve qu'une femme c'est plus jolie en robe. Ah hein? Oh, oui. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Oh, moi j'aime pas ça. Oh, nous, ça nous est égal. Chacun fait comme il veut, hein? I like them. Alors, quelle place il va occuper, le pantalon, dans cette mode à la garçonne? Il existe avant, bien sûr, mais quelle place il va occuper dans cette mode, Laurent Turcot? L'extrait est magnifique parce que ça montre que oh, chacun fait ce qu'il veut, mais on sent derrière qu'il y a une petite pointe de « on n'est pas tout à fait sûr » parce qu'il y a un élément... C'est pas tout à fait féminin. Ben oui, on a peur du travestissement, on a peur du mélange des genres, on a peur de ne pas être capable de déterminer si on est d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est exactement la même chose par rapport à la manière de s'habiller, par rapport aux classes sociales. Il faut être capable de reconnaître les classes sociales d'après la manière dont ils sont habillés. Ben, le pantalon ici pour les femmes dès la fin du 19e siècle. Pourquoi? Développement du cyclisme. Oui. Le cyclisme, essayez de faire du vélo avec une longue robe. Vous risquez d'accrocher le pédalier et vous risquez de tomber. Donc, on va décliner des pantalons et aussi pour l'équitation. Mais peu à peu, ces pantalons qui sont dans le sport, dans le loisir, vont investir l'espace public. Mais là, l'Église, et là, on parle du Québec ici, va s'en prendre vertement aux pantalons. Parce qu'au Québec, on se dit, est-ce que ça a eu cours ici? Absolument. Et pas juste à Montréal et à Québec. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grands magasins avec des catalogues. Dupuis Frères, par exemple, Eaton, Labbé, envoyaient des catalogue dans tout le Québec. Donc, vous pouviez voir, par exemple, une soutane de prêtre, tourner la page, arriver sur un soutien-gorge féminin, tourner la page, arriver sur des pantalons, et vous pouviez commander tout cela. Donc, on va avoir des pantalons un peu partout au Québec, mais veille, bien sûr, la férule de l'Église catholique. Et là, on va dire aux fidèles, on dit, écoutez, non, mais ce n'est pas fait pour la femme. On va le taxer d'immoralité, on va le taxer d'immodestie, on va dire que c'est contre la société chrétienne, mais on va se rendre compte que malgré tout, les femmes en portent. Donc, on va dire, d'accord, vous emportez. Mais il y a des règles à respecter. Comme par exemple, il ne doit pas être trop ajusté, il ne doit pas révéler les courbes du corps féminin. Et certains abbés vont même dire, vous pouvez le porter, mais vous rajoutez une jupe par-dessus. Donc, on est vraiment encore dans cette mode de il y a un changement culturel profond, et on a de la difficulté à s'adapter du point de vue moral. Mmh. Et là, je parle de l'Église. Ouais. Mais c'est pas parce que l'Église est contre que les Québécoises vont s'empêcher de le faire. Les cheveux courts, il y a quelque chose de fascinant. On peut se demander, mais que deviennent les cheveux et les coiffeurs à l'époque de la mode à la garçonne? Parce qu'on les coupe très courts, les cheveux à la garçonne. Et pourtant, Laurent Turcot, il va se développer, l'industrie de la coiffure va réussir à non seulement survivre, mais se développer dans cette mode à la garçonne où le cheveu est pourtant très court. Ah ben oui, mais le cheveu, on va pas parler de toute la fétichisation qu'il y a eu dans la littérature française ou britannique, mais il est vrai que le cheveu a toujours été associé à la séduction. Et pour plusieurs, la femme doit avoir les cheveux longs. Et quand les femmes commencent à se les couper, bien sûr, crise morale, crise hygiénique, même les médecins vont dire, écoutez, ça ne fonctionne pas parce que le cheveu empêche les maladies de toucher le cuir chevelu. Donc, les femmes doivent les porter longs. Il n'en fait rien, les femmes les coupent. Mais ceux qui vont véritablement s'en faire, ce sont les coiffeurs. Ben oui. Parce qu'eux, ils capitalisaient énormément sur la longueur du cheveu, de pouvoir les crêper, les teindre. Alors que là, ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est au moment où, justement, le cheveu est coupé, qu'on va développer des éléments technologiques pour le friser. Par exemple, les premières permanentes. Bon, à l'époque, dans les années 1880, ça prenait jusqu'à 3 heures pour friser un cheveu qui, disait-on, allait être indéfrisable. Mais on va aussi légitimer la coupe courte en France avec ce qu'on appelle le culte joannique, c'est-à-dire comme Jeanne d'Arc, ben, c'est une manière patriotique de s'attacher à la fibre nationale. D'autres vont dire ben, c'est moderne, c'est simple, c'est plus facile. Et comme les femmes passent moins de temps sur leurs cheveux, ben, elles peuvent entrer dans l'espace public, elles peuvent entrer dans l'espace commercial et elles aussi devenir un citoyen modèle, pourrait-on dire. Dernier élément, parce que ça passe très vite, une petite contradiction, vous l'avez un petit peu évoqué quand on a parlé de ce culte de la minceur qu'amène la mode à la garçonne. On a parlé du soin du corps de la femme, les crèmes, entre autres. Mais il y aura aussi, sur le plan purement cosmétique, une petite contradiction parce que cette femme qui ressemble à l'homme, cette mode à la garçonne, on veut pas que la femme devienne carrément le double de l'homme. La garçonne doit être féminine. Et ça va passer par le rouge à lèvres, par le développement de toute une industrie cosmétique. Ah oui, même les parfums. On peut rappeler l'industrie des grands parfums. Avant, c'était les coiffeurs qui avaient le monopole, pourrait-on dire. Ben là, on l'arrache et ça devient des grandes entreprises. Mais vous l'avez dit, le terme de contradiction. Là, on est dans la contradiction pure et je pense que c'est propre au modèle de la mode, mais à toutes les marqueurs culturels qui pensent vouloir nous libérer de quelque chose. Il n'y a pas de réelle libération. Et la mode va toujours alterner entre des grands moments de grandes contraintes, que ce soit le corset, que ce soit le cheveu, que ce soit le maquillage, suivi d'une libération, mais une libération inventée ou plutôt symbolique, parce qu'on n'est jamais vraiment libre dans la mesure où la société nous impose un modèle, nous impose des cadres qui sont genrés et nous impose des cadres de séduction. Donc, est-ce que la mode à la garçonne a libéré? Absolument pas. Ouais. Elle a contraint, mais d'une autre manière. Et puis, celles qui ont pu un peu s'émanciper, vous l'avez évoqué, mais il faut le rappeler, c'était vraiment une infime partie de la population, l'élite, la plupart et la très grande majorité des femmes de ces années 20 sont très, très loin encore de l'émancipation. Complètement, et on pourrait même dire que c'est une manière, la mode à la garçonne, pour contester le fait que la femme est encore sous la tutelle de l'homme, n'a pas le droit de vote, n'a pas la capacité d'avoir un compte. Donc, c'est peut-être les premiers éléments de la révolte qui va permettre les grands mouvements féministes de réclamer du pouvoir politique. Laurent Turcot, historien à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.